4 juillet. Info sur domaine-et-lessine.be. La première. Il est 11h. Et on s'informe avec vous, Marie Van Cutsem. Bonjour à tous. Le Royaume-Uni va devoir clarifier rapidement ses intentions. C'est ce qu'a déclaré Angela Merkel aujourd'hui. La chancelière allemande veut savoir comment le Royaume-Uni envisage ses relations futures avec l'Union européenne. Demain, Theresa May deviendra première ministre. Elle prendra la succession de David Cameron. Elle aura la grande responsabilité d'assurer la transition Brexit. Elle a déjà assuré qu'elle ne laisserait rien passer et qu'elle voulait obtenir le meilleur accord qui soit pour son pays, le Royaume-Uni. Le calme semble être revenu à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Hier, le président Salva Kiir a décrété un cessez-le-feu. Il semble donc qu'il ait été respecté. Depuis 4 jours, les combats faisaient rage entre les partisans du président et les ex-rebelles qui soutiennent, eux, Riek Machar, le vice-président et ancien chef de la rébellion. Ces violences font craindre la reprise des combats dans tout le pays. Selon les sources, on parle de 200 à 300 morts. Du sport au programme aujourd'hui, les 193 coureurs du Tour de France encore en lice reprennent la route après une journée de repos. L'étape du jour quitte Andorre en attaquant directement le col d'Envalira, le point culminant de cette grande boucle, 2408 mètres de haut. C'est la 10e étape entre Escaldes en Gordanie et Revel. Il y a du football aussi avec une réunion des dirigeants de l'Union belge. Aujourd'hui, on va parler de l'euro, de l'échec des Belges et de l'avenir de Mark Wilmots, avenir qui est sur la sellette. Va-t-il rester ou non à la tête des Diables Rouges? Réponse à cette question d'ici vendredi. Enfin, quelques jours de soleil et puis le retour de la pluie. Il ne faudra jamais trop se réjouir en Belgique, on devrait le savoir. Il y a une alerte jaune sur l'ensemble du pays à partir de la mi-journée. Cela signifie risque d'orages locaux accompagnés d'averses soutenues. Voilà pour les infos, merci pour votre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Les soldes XXL sur crefel.be. Commandez en ligne, livraison possible chez vous 2 heures après. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Benjamin Leupart, on vous retrouve. C'est Globe Crocker sur la première. Et oui, Marie, on part pour le Pérou. Ce matin dans Globe Crocker, c'est la deuxième partie d'une histoire incroyable d'un comédien qui trouve l'amour, puis qui le quitte, puis qui le retrouve et qui écrit des spectacles, qu'il jouera d'ailleurs en espagnol là-bas. C'est une très belle histoire, Marie. On vous emmène. La première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin Leupart. À force de courir, tu vas perdre ton poncho. Proverbe péruvien, belle matinée sur la première, c'est Globe Crocker la suite. Chaque jour dans Globe Crocker, on chausse les chaussures d'un voyageur qui a changé de vie en voyage et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, ils ne le sont jamais. Aujourd'hui dans Globe Crocker, on part pour la suite d'un voyage bouleversant, souvenez-vous, c'est celui d'un artiste parti prendre du temps pour se ressourcer en Amérique latine. Il ignorait qu'il y rencontrerait l'inspiration et l'amour. On s'était quitté quand ils se sont quittés, Rudy et Karel, la belle péruvienne. L'histoire a une suite, la voici dans la jungle, de la jungle à la montagne, des plages du Pacifique aux brumes du Machu Picchu. Ce matin, sur la première, on part pour le nombril du monde. Selon les Incas, Globe Crocker est au Pérou. La première, 11h midi. Globe Crocker. Avec Benjamin Leupart. Cap sur le Pérou, pays situé dans l'ouest de l'Amérique du Sud. Le pays est entouré par l'Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l'océan Pacifique. Lima, et sa capitale, est la plus grande ville du pays. Le Pérou, c'est notre idée de bout du monde, d'Eldorado. L'image de vallée sacrée imprégnée de culture inca, vous êtes dans le pays des Fils du Soleil. Les Incas, c'est l'essence de l'histoire du pays. Ils ont fondé, vers 1200, Cusco, le nombril du monde, ancienne capitale de l'Empire inca, et créé le Temple du Soleil. Le Pérou possède de véritables trésors touristiques. Découvrir au petit matin les ruines du Machu Picchu, ses cultures en terrasse vert émeraude et ses vertigineux sommets, c'est un spectacle d'une beauté époustouflante. Se retrouver tout près des îles du lac Titicaca, à près de 3800 mètres d'altitude. Ou encore, aller visiter les fascinantes lignes tracées dans le désert de Nazca, ces immenses géoglyphes du sud du Pérou. Leur mystère attire les étrangers depuis les années 40 et personne jusqu'à nos jours n'a pu les déchiffrer. Le Pérou, c'est aussi la cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes du monde, longue d'environ 7100 km. Vous l'avez compris, le Pérou est probablement un des lieux touristiques d'Amérique du Sud qui possède le plus de trésors. Il y a beaucoup à dire, alors ne perdons pas de temps, partons pour le découvrir. Et c'est rien de le dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, surtout quand on raconte votre histoire. Rudy Godin, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu dans Globe Crocker. La semaine dernière, vous nous avez mis l'eau à la bouche en nous racontant votre premier voyage très très lent et très très long au Pérou. Vous allez nous raconter la suite de ce voyage parce qu'il y a plein de rebondissements. Il y a une grande différence entre dire merci à quelqu'un et le remercier. Dans un des deux cas, on perd son boulot. Ça a été votre cas et vous avez décidé de prendre le temps de vous mettre à nouveau d'aplomb, de vous ressourcer. Et vous partez en décembre 2006, le plus lent possible en bateau pour le Pérou. C'est l'histoire que vous avez commencé à nous raconter donc mardi dernier. Elle a une suite et vous avez eu la gentillesse de ramener plein d'autres objets que vous avez déposés sur notre table de Globe Crocker. Est-ce qu'on peut résumer en disant que vous avez trouvé là-bas de quoi vous ressourcer et puis l'amour? Oui. Elle s'appelle Karel. Karel Carpio Morales. Karel Carpio Morales, vous l'aviez rencontré à Lima dans un stage de danse qu'on appelle la danse contact. Vous nous aviez raconté ça la semaine dernière, c'était au son de Zap Mama, entre autres. On va essayer de résumer un tout petit peu votre parcours pour essayer de comprendre la suite. À l'époque, vous étiez allé en 2007, donc en décembre, en bateau. On ne va pas reprendre l'histoire depuis le début, mais vous avez ramené à nouveau des diapositives qui sont très très radiophoniques et qui parlent de ce périple en bateau. On est en décembre et alors il s'est passé quand même des choses à bord de ce bateau. Juste ça et puis on reprend le fil de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à bord de ce bateau depuis Anvers? Mais donc il y avait beaucoup de houle, beaucoup de vagues pendant tout le voyage et à un moment donné il y a eu une petite accalmie et donc le capitaine décide de faire un barbecue avec toute l'équipe. Voilà une bonne idée. Et oui, en plein air évidemment. Donc on se met tous sur le pont. Et joyeusement, on sort les barbecues, on sort les boissons, les viandes, etc. Et on se met à cuisiner, à cuire, et puis à prendre l'apéro. Ce qui était d'ailleurs assez surprenant de la part des marins, c'est que quand une bouteille de bière était terminée, ils la jetaient allègrement dans le pauvre océan. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. J'avais beau leur dire ça pas bien, ils me comprenaient pas. Donc, je le disais en anglais. Mais... Et il n'y a pas que les bouteilles qui ont failli passer par-dessus bord. Mais non. En fait, à un moment donné, il y a eu un coup de vent, comme on appelle ça. Et c'est le capitaine qu'on a vu partir vers la rambarde du pont. Mais il a fait une glissade en arrière, comme ça, de au moins 10 mètres. Quoi. Il est parti en arrière, comme ça. C'était vraiment comme dans un film. Et on s'est tous regardés. Puis on l'a regardé, lui. Et puis il a dit... on rentre. C'est quand même ballot de perdre le capitaine pleine croisière au milieu de l'Atlantique. Bref, il y a eu plein d'anecdotes comme ça sur votre voyage au Pérou. On s'était posé à Lima quelques instants, puis vous avez accepté une mission à la montagne à 3000 mètres pour donner des cours de mime ou des animations de mime auprès d'enfants. Puis ensuite, vous êtes redescendu forcé par une infection à un œil, dû probablement à l'altitude, et vous retrouvez la fameuse Karel, votre amoureuse, qui vous fait découvrir un Lima autrement vu par les yeux d'une autochtone, et ça c'est quand même une chance extraordinaire. Il faut dire aussi que je n'avais plus qu'un œil, donc je ne voyais pas du tout de la même manière. Comme c'est une manière de voir autrement. Comme disait son papa, j'ai vu la moitié de ce que j'aurais dû voir. Mais malheureusement, vous êtes rappelé en Belgique pour une sombre histoire d'administration. Ça doit vraiment vous plomber l'ambiance. Ça, vous êtes tenu de rentrer. Donc, pour la troisième fois, alors que vous avez à peine rencontré Karel, vous allez devoir la quitter. Eh oui, je la quitte. Et donc, c'est déchirant, évidemment, surtout à l'aéroport. C'est des pleurs. J'ai failli carrément perdre mon avion. Surtout que j'avais oublié de reprendre mon papier de l'immigration, donc j'ai dû payer en dollars pour pouvoir partir, et donc ça a pris du temps, et voilà, j'ai failli louper mon avion. Rudy Godin, vous êtes multicasquette, hein. Vous êtes musicien, artiste, comédien, vous jouez de plein d'instruments, et c'est en cette qualité-là d'ailleurs que vous aviez donné des animations de mime. Vous rentrez en Belgique pour régler des papiers, dans des larmes, voilà, une grande séparation, mais... Si vous êtes ici aujourd'hui dans Globe Crocker, c'est qu'il y a une suite à l'histoire. Le temps passe. Nous étions en 2006, nous sommes à présent en 2009. Et vous vous dites, tiens, est-ce que j'irai pas des fois faire un petit trek du côté du Machu Picchu, moi? Oui, Exactement. Et donc, j'organise ça, j'économise et je pars donc pour Cusco avec ma bien-aimée que j'ai retrouvée à Lima, évidemment. Non, ça c'est... Hein, elle est bien, cette histoire. Hein. La musique que vous écoutiez en pliant vos bagages, peut-être plus léger que les premiers, c'était ceci. C'est la version massacre de El Condor Pasa de Simon & Garfunkel, ici repris par on ne sait pas qui. Et là, vous faites non, pas du tout, je n'écoutais pas ça, que les gens ne croient surtout pas que j'écoutais ça. C'est pour dire que quand, avant de partir, vous écoutiez peut-être un peu de la musique tarte à la crème sur le Pérou. Mais oui, on ne sait pas. Hein. On se doute qu'il y a d'autres musiques, mais on connaît surtout les musiques un peu bateau, comme on dit. Hein. Il y a toute une trielle de musique à écouter là-bas. Alors, puisqu'on est en train de revivre vos voyages au Pérou et vos retrouvailles avec Karel, il y a une musique super importante que vous avez écoutée sur place, et c'est celle-ci. Ah, tout de suite, il danse, hein. C'est bon, ça. Valió la pena, ça veut dire elle en vaut la peine. Oui. Et c'était Marc Anthony. Alors, cette musique a une histoire incroyable. Oui, alors je l'ai entendu souvent sur le voyage, seul, et puis quand j'étais aussi avec Karel. Et une fois, nous étions donc en plein trek, tout près de la vallée des Condors, et dans un tout petit village, on cherche le soir, c'est-à-dire à 7h30, de quoi s'amuser, et on tombe sur un karaoké. Et donc, dans ce karaoké, il y avait la possibilité de chanter Marc Anthony. Et donc, c'est ce qu'on a fait tous les deux. Eh bien, cette histoire, elle en vaut la peine. C'est sympa. On va poursuivre en couple, cette fois, ce trek d'un mois au Machu Picchu. C'était en 2009. Karel et Rudy sont enfin réunis après moult séparations. On reprend le fil de votre histoire après Sirens de Lola March. marche Sirens, c'était en 2016. On est encore au Pérou avec vous, Rudy Godin, et on va crapahuter du côté du Machu Picchu. Globe Crocker sur la première. Ciné Antiquité. Une fidélité, une tradition. Tous les objets ont une histoire et ne demandent qu'à entrer dans la vôtre. Plus de 200 antiquaires, brocanteurs et collectionneurs professionnels. Ciné Antiquité. Du 15 au 17 juillet au Ciné Expo. Plus d'infos sur cinéexpo.be. Ciné Expo, si proche de vous. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Dit, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dit. Dit, faites-vous plaisir. La première présente le 37e festival Jazz and Blues de Gouvy, du 5 au 7 août à la ferme Madelon à Sterpigny-Gouvy. Vendredi et samedi, jazz pour tous avec Maceo Parker, Lisa Simone et bien d'autres. Et dimanche, la grande parade du blues avec notamment Justina Lee Brown, Sugar Ray Rayford Band, Nico Duportal. Plus d'infos, madelon.gouvy.eu. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Leupart. Et avec Rudy Godin, donc, qui a retrouvé son amoureuse, Karel, après plein temps de turpitude. Vous la retrouvez pour un trek entre Cusco et le Machu Picchu. Ça ressemble à quoi ce fameux Machu Picchu? C'est un peu le Saint Graal des trekkers, ça. Oui, c'est magnifique. C'est un endroit de ressources incroyables. Malheureusement, ça devient maintenant un endroit de tourisme incroyable aussi. Et donc, il y a de plus en plus de gens. Et c'est un petit peu moins, on va dire, onirique qu'avant, mais ça reste quand même un endroit magique. Et tout le monde, tous ceux qui y sont allés pour l'instant, en reviennent avec des yeux écarquillés, enfin, les sens en éveil. C'est vrai que c'est hallucinant, cette construction d'un temple tellement haut et sur des pentes tellement abruptes des Andes. Il y a quand même quelques pics qui sont voisins du Machu Picchu, donc c'est-à-dire que quand on regarde le sommet d'une montagne là-bas, on peut aussi regarder vers le bas, tellement c'est haut. Et il faut avoir du bol aussi un petit peu avec le temps. Oui, il ne faut pas tomber quand il y a du brouillard, mais en même temps, le brouillard... C'est quand même ballot. Enfin, je veux dire... Oui. Avoir crapahuté autant pour finalement avoir le nez dans un nuage. Ce serait dommage. C'est bête. Ce serait dommage. Mais le brouillard est toujours là, de toute façon, dès qu'on arrive. On arrive en général très tôt le matin. Le brouillard est là, il se lève. Ça c'est très joli, justement, parce qu'il se lève et on commence à voir de plus en plus les couleurs, les vraies couleurs, en fait, que le soleil peut éclairer sur le Machu Picchu. Donc, c'est ça qui est magique. Mais parfois, ça ne se lève pas. Assez tôt, et donc on est redescendu et que ça se lève trop tard. Quoi. Parce qu'il faut préciser, on l'a bien senti dans votre première visite chez nous dans Globe Crocker, que vous êtes un voyageur qui a le temps. Alors, vous avez pris le temps d'aller jusqu'au Pérou, là où vous prenez le temps de ce trek entre Cusco et le Machu Picchu. Est-ce qu'il ne faut pas le faire deux fois le Machu Picchu? C'est-à-dire une fois pour y aller et être dans la construction du temple, et une deuxième fois pour être justement sur un des points panoramiques périphériques? Oui. Ah oui, tout à fait. C'est une bonne idée, ça. C'est ce que vous avez fait ou pas? Mais moi, je l'ai fait 4-5 fois, donc je ne peux pas vraiment... Blasé. Oui, j'ai aussi été guide pour ce trek-là. Mais là, je voulais faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Donc, on est passé par des villes de la jungle et puis on a suivi le chemin de fer et puis on a fait du camping. D'ailleurs, j'ai apporté un petit objet de camping. Ça ressemble à une pointe de Paris. Oui, ben non, c'est un piquet de tente. Et voilà, et les piquets de tente, évidemment, ne rentraient pas dans le sol. C'est très rocailleux, donc on avait beau, avec les marteaux que j'avais pris et qui pesaient dans le sac, eh bien, non, ça ne servait. Vous avez voyagé avec des marteaux? Avec un marteau, oui. Mais il y a des cailloux? Ben oui, mais... Mais je croyais qu'il y avait de la terre. C'est pour pas abîmer les cailloux que vous avez trimballé un marteau? Non, mais un marteau avec l'embout en caoutchouc, là, vous voyez pour... Oui, tout à fait. Non, mais ça reste lourd quand même. Oui, c'est quand même lourd. Et la tente aussi, c'était lourd. Et puis, il y avait le bec bunzen, hein, donc pour le camping gaz, là. Ah oui, on avait tout pris, quoi. Alors, quand vous dites, parce que vous dites jungle, alors nous, on imagine jungle, luxuriance, beaucoup de bruit, de son, c'est humide, c'est très bien, mais il n'y a personne. Et vous dites ville dans la jungle. À quel point ce sont des villes? C'est des villes parce qu'il y a une agglomération, mais en fait, et quelques routes en terre, mais ce n'est pas des villes comme on l'entend ici, bétonnées, et avec des buildings, évidemment. Hein. C'est plutôt des maisons en briques ou en terre crue même. Et donc, en terre crue. Oui. Mais elles fondent après, non, ou elles, c'est... Non, non, c'est de la terre crue, c'est-à-dire c'est comme de la boue quoi, qui est faite en briques. Et ça, non, c'est très bien. Ça. Mais ça, en fait, il faut savoir que la jungle a plusieurs hauteurs. Hein. Donc, on a la jungle comme on avait à Iquitos, là, c'est très bas, c'est très humide, très dense comme végétation. Et puis après, on resitue peut-être Iquitos, c'est donc la ville portuaire par laquelle vous étiez arrivé en remontant l'Amazone. C'est une ville qui est traversée par énormément de bras de l'Amazone, et d'ailleurs qu'on ne peut pas atteindre autrement que par le bateau, quand il y a assez d'eau. C'est Iquitos, humide. Humide, très très humide toute l'année. Tandis qu'ici, ben, on commence à monter dans une jungle, on est toujours dans les 1000-1500 mètres, et ça commence à devenir un peu différent, et c'est plus, un peu plus sec, on va dire, humide et sec, quoi. Il y a les deux. Et là, on commence à approcher le Machu Picchu. Le Machu Picchu n'est pas à 3008, contrairement à ce qu'on pense. Il est plus bas, il est entre 2000 et 3000, en fait. Et vous mettez combien de jours d'approche pour y arriver à ce Machu Picchu ? Alors, si on y va vraiment à pied, eh ben, on met 3 jours. Trois jours, oui. Mais on ne part pas de Cusco. Qu'est-ce que vous voulez dire par si on y va vraiment à pied ? On peut tricher ? Évidemment. Il y a le train, maintenant, qui nous amène... Le train dont vous parliez tout à l'heure. Le fameux train, oui. Et puis, quand on arrive dans cette première ville qui est en dessous du Machu Picchu, qui s'appelle Aguas Calientes, qui ça veut dire les eaux chaudes, eh bien, on n'a plus qu'à prendre un bus électrique et on est au-dessus. Donc, on n'a pas fait grand-chose. Même pas fatigué. On n'est même pas fatigué, non. Vous avez déposé sur la table de Globe-Crocker donc des piquets de tente, des objets divers et variés, des photos, mais aussi une petite crèche andine. Oui. Oui, ça, donc, c'est... on a des santons en terre aussi. Et ça, c'est le genre de truc qu'on peut se permettre quand on est Globe-Crocker comme vous. Ça prend pas trop de place. Hein. Déjà, quand on trimballe à marteau, on peut bien. Trimballer une crèche. Trimballer une crèche. Pourquoi une crèche ? Ben, c'est très typique là-bas. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette interprétation de la crèche. Parce qu'en fait, au lieu que ça soit des vaches, ben, c'est des lamas. Ça change tout de suite. Oui. Et alors, au lieu que ça soit un berceau avec du bois, bah ici, c'est du jonc. Hein, c'est ce qu'on trouve sur le lac Titicaca. Des espèces de barques, effectivement, en jonc qui sont nouées les uns aux autres et qui flottent allègrement. Voilà. Il y a d'ailleurs des maisons qui sont construites sur des barges en jonc sur le lac Titicaca. Exactement. On va poursuivre votre périple avec votre amoureuse Karel entre le Machu Picchu et Cusco dans la suite de Globe-Crocker. Ce sera juste après Yodelis, Sunday with the Flu. Closed my door, forgot my key. Missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat. Ate my dog and walked my cat. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? I Sunday with the Flu, Yodelis en 2009. Nous sommes au Pérou avec en guide Rudy Godin et son amoureuse Karel. On se balade dans les Andes et on va du côté de Cusco. Globe Crocker sur la première. La première présente l'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir. La première. Globe Crocker. Avec Benjamin Lepart. C'est un peu le voyage des retrouvailles pour vous, Rudy Godin. Vous retrouvez votre amoureuse Karel, vous faites cet incroyable trek vers le Machu Picchu que vous nous avez décrit tout à l'heure. Là, vous allez descendre vers Cusco, mais comme vous êtes le roi de la séparation, vous l'avez quitté plein de fois, Karel, la pauvre, le voyage touche à sa fin et il va falloir rentrer à Bruxelles. C'est triste ? Oui. Mais pourquoi alors ? Parce que j'ai des choses à faire en Belgique, qu'elle a aussi des choses à faire au Pérou, et que voilà, on a arrêté les vacances, et puis on s'est donné rendez-vous à plus tard. Là, c'est le moment du film où tout le monde est triste, on a presque la larme à l'œil, donc on va voir. Le temps passe. Mmh. Le temps passe, et là, on arrive en 2010, et vous prenez à nouveau une décision qui semble découler de tous vos voyages. Quand on dit que ce Pérou a changé votre vie, c'est vraiment des événements en cascade. En 2010, vous voulez repartir, mais ce coup-ci, 6 mois. Ah oui. Oui, là, je décide carrément de m'y installer un peu. Parce que j'ai envie de voir justement ce que va devenir la vie avec Karel. Mais dans son milieu à elle, quoi, dans son endroit favori. Alors justement, c'est où ? C'est Cusco. Oui. Ce n'est pas Lima, là où elle vit, mais Cusco, une ville qu'on a connue l'année précédente, mais qu'on ne connaît pas encore vraiment bien. Et là, on va vivre chez des gens... À quoi ça ressemble, Cusco ? Mais Cusco, c'est un centre historique magnifique qui est tout préservé comme ça, très ancien, très authentique, et avec même des on peut encore voir les constructions des Incas qui sont malheureusement emprise dans les constructions des Espagnols. On voit souvent à la base des pierres fameuses incas, et au-dessus on voit les églises des Espagnols. Ils ont fait ça pour bien montrer leur pouvoir. Ils ont installé... Ils ont construit dessus toutes leurs églises. Mais on peut encore distinguer ces fameuses pierres, parfois à 12 angles, hein, et c'est assez incroyable. Il y a des musées, il y a beaucoup de choses pour les touristes, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est aussi une ville culturelle, une ville incroyable, et tout autour, il y a plein de choses à voir et plein de choses à vivre. Mais c'est pour ça que vous allez prendre le temps de vivre le Pérou autrement, c'est-à-dire à nouveau avec une certaine lenteur, et un petit peu avec la famille de Karel, votre amoureuse que vous aviez rencontrée à Lima lors de ce stage de danse contact, si suave. Vous nous avez apporté, puisque vous êtes multi-instrumentiste, vous nous avez apporté des instruments, parmi lesquels un ocarina. Ah oui. Alors cet ocarina, il a une petite histoire aussi, parce qu'en fait, c'est le papa de Karel qui me l'a offert. Et donc, c'est déjà pas évident de recevoir un cadeau de la part des parents de la personne à qui on va demander. On sent que vous êtes sur la pente glissante tout doucement, on commence à être accepté par la famille, les cadeaux arrivent, on prend du temps. Et puis là, on se retrouve avec un ocarina autour du cou. On décrit peut-être l'objet, l'ocarina, ça ressemble un peu à un sifflet. Voilà, c'est comme un sifflet un peu plus grand avec des trous, et c'est en terre cuite, c'est très fragile. Et c'est souvent dessiné avec des dessins incas. Il y a plein de trous dedans. Oui, il y a plein. Ça va vous mettre les doigts. Oui. Et alors, on tente de faire sonner ou pas? Allez, on va tenter. Ici? Oui. On y est, hein? Oui. Moi, je vois le lama, je vois le poncho, le petit chapeau noir et tout ça. C'est bien, ça. Ah oui, c'est magique, ce son. Alors, vous êtes, on le disait, un multi-instrumentiste guitare, flûte, ocarina, hein, à l'instant. Mais c'est pas tout. Ce qui vous caractérise aussi, c'est votre amour pour le café. Oui, je suis un inconditionnel du café. Et j'ai d'ailleurs créé un spectacle qui s'appelle Le Voyage du Kawa. Quand on vous dit que le Pérou a changé votre vie et que vous avez trouvé non seulement l'amour, mais l'inspiration là-bas, c'est pas peu dire. Il y a effectivement votre spectacle Le Voyage du Kawa que vous avez développé, écrit pas du tout au Pérou, hein, mais vous l'avez ressenti, l'inspiration vient de là. Alors on va s'en payer une petite tranchouille, parce que non seulement Le Voyage du Kawa, vous l'avez joué en Belgique, mais vous l'avez joué au Pérou. Alors évidemment, nous, on va prendre la version en français, si vous voulez bien. Bon, où en étions-nous? Ah oui, Louis XIV, le café. Le café est donc arrivé à la cour du roi Louis XIV, mais le café a vraiment bouleversé les courtisans de l'époque, surtout par le côté mode, un peu comme Nespresso aujourd'hui. C'est pas tant pour la boisson, mais plutôt pour le design de la machine et le fait d'être apparenté à Mr. George Clooney. À l'époque, on adorait se faire servir du breuvage turc dans des tasses en porcelaine de Turquie, sur un plateau d'argent coulé en Turquie, par un serviteur habillé à la turque. C'était le must, le top du top. Il a tellement de succès, le café, qu'il descend dans la rue et devient de plus en plus populaire. Des marchands ambulants comme moi se multiplient et vendent le petit noir à même le trottoir. Le café a tellement de succès qu'il en faut plus. Les Français achètent le café aux Turcs, qui l'achètent au Yémen. Il vient par la mer Rouge, qui est infectée de pirates. Quelle solution? Envoyer un navire dans les tropiques avec à son bord un plant de café afin de le faire pousser en quantité là-bas, dans leur colonie. Vous êtes incollable, hein, sur le café, Rudy Godin. Oui, j'ai vraiment beaucoup bouquiné sur le sujet, donc je connais un trait sur le café quand même. Alors, café et Pérou, on n'y coupera pas. À quoi ça ressemble une caféière andine? C'est très éparpillé. En fait, une caféière, c'est pas comme au Brésil où c'est des plaines et on voit les cultures à perte de vue. Ici, il faut grimper dans la montagne et il faut chercher les plantes café qui sont cachées en dessous d'un arbre à papaye ou d'un autre fruitier. Et donc, c'est vraiment très, très ardu et très, très difficile. Et puis, il y a les conditions météo aussi qui sont pas évidente. Mais donc le café n'est pas du tout indigène au Pérou? Non, il a été replanté évidemment par tous les inquisiteurs et ceux qui ont fait venir les esclaves pour les planter, quoi. Et c'est devenu un des meilleurs cafés du monde, évidemment. Oui. En plus, au Pérou, ils ont un café organique, bio, qui est incroyable et qui a eu pas mal de prix. Voilà. C'est un très bon café. Il vous restera toujours un bon café. On va poursuivre votre course dans les caféières et autres paysages du Pérou dans quelques instants dans Globe Crocker. Juste après Les Innocents, j'adore Les Innocents. J'ai couru, c'était sur l'album Mandarine en 2016. J'ai pas oui ni non, mais pas oui. Ton ombre qui se glisse, sans doute. Courus, Les Innocents sur l'album Mandarine en 2016. On est encore et toujours au Pérou avec des amoureux. Et cette fois, l'histoire pourrait connaître une belle suite. Cet été, la première prend l'air. Mercredi, cap sur Villers-la-Ville. Depuis 30 ans, des milliers de spectateurs se rendent dans les ruines de l'abbaye pour découvrir des spectacles exceptionnels. Cette année, Amadeus de Peter Schaeffer. La première prend l'air. Cédric Wautier vous invite à célébrer les 30 ans de Villers-la-Ville mercredi dès 19h sur la première. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Chérie, t'as vu à la télé? Les meubles Belot, ils font des soldes incroyables sur presque tout. Oui, j'ai vu, c'est l'occasion. T'as vu notre salon, sans parler de la salle à manger et puis la chambre aussi. Bon, j'ai compris, direction les meubles Belot à Soigny. Au fait, et pour lui? Chérie, ils font des soldes sur presque tout. Meubles Belot, chemin Denis Val à Soigny. Visitez belot.com. Voltaren est un médicament ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On se couche sur la plage et on se lève une fois pour les enfants. Ils veulent de l'eau dans le petit seau et on se recouche et on se relève. Ben oui, il faut leur mettre de la crème, allez! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. La première, 11h midi. Globe Crocker. Avec Benjamin Leupart. Et avec Rudy Godin, l'amoureux voyageur, celui qui partait pour le Pérou à de multiples reprises pour retrouver sa belle Karel, mais qui n'avait de cesse de la quitter. c'est pas bien ça, Rudy. Et oui. Cette fois, vous y retournez, on était à Cusco pour 6 mois. On sentait que ça commençait vraiment à bien se passer dans cette ville à l'architecture à la fois inca et espagnole. Vous commencez à accepter des cadeaux de la belle famille, et puis vous finissez par prendre une décision. Oui, je prends une décision, mais pas tout seul, hein. On la prend à deux, et on se dit qu'on va se revoir dans mon pays cette fois. Donc on a essayé la vie en commun dans son pays, et puis la prochaine étape c'est dans mon pays. Et c'est pour ça qu'on va faire une petite parenthèse dans ce Globe Crocker destiné au Pérou, pour ce petit retour en Belgique, parce que l'air de rien, quand on parle de voyageurs qui ont changé de vie en voyage, vous c'est pas rien, vous avez carrément épousé Karel. Oui. Bravo, oui. Félicitations. Ouais. Et c'était complètement pas du tout au Pérou, puisque c'était... C'était en Belgique. À Liège. À Liège, à Chauxfontaine, exactement. C'est une belle histoire, ça, quand même. Ah oui, très très belle. Vous n'imaginiez pas du tout, en 2007, lorsque vous partez, parce qu'on vous avait viré et que vous étiez un petit peu blues, que vous reviendriez avec un spectacle, Le Voyage du Kawa, sur lequel on va revenir, et avec une amoureuse et une bague au doigt. Non, j'imaginais pas du tout ça. Ça reste de la belle histoire, ça. Ah oui, c'était une très belle histoire, et chaque fois que je la raconte, j'ai une assemblée qui est assez enthousiaste. Alors justement, vous revenez avec plein d'idées, parce que vous avez vu des choses, vous qui êtes aussi amateur de café, vous avez trouvé l'inspiration parce que vous avez carrément écrit tout un spectacle, vous qui êtes comédien, consacré au café, ça s'appelle Le Voyage du Kawa. Pourquoi vous vouliez absolument faire un spectacle sur le café? D'abord, je suis un fanat de café, ça c'est déjà une chose. Je trouve que le café fait un peu voyager aussi grâce à ses arômes, à ses odeurs. Et que, en fait, c'est un peu intriguant cette histoire quand j'ai commencé à la lire. Parce qu'on ne sait pas d'où vient le café exactement. Et puis, il a parcouru en fait le monde entier. Et il est allé se mettre en Amérique du Sud pour faire, finalement se développer et n'arrête plus de se développer là-bas. Et donc je trouvais ça comme histoire assez intéressante, et je voulais aussi en parallèle raconter finalement un peu mon voyage aussi. Vos voyages, hein, parce qu'il y en a une pelletée des voyages. Ah oui, les autres voyages après, oui, évidemment. C'est un spectacle marrant, Le Voyage du Kawa? Ah oui, c'est drôle, hein, c'est ça a l'air. Ça a l'air, vu l'extrait qu'on a pu entendre tout à l'heure, ça a l'air très drôle. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un voyageur, le personnage principal, enfin un voyageur, c'est un vendeur de café. Il est donc dans la rue et il vend son café. Et ici, il a décidé, parce que c'est un latino, hein, donc il vient du Pérou, et il a décidé de venir dans les pays du Nord et de montrer un peu voilà, ce que c'est le café. Et c'est pas si évident que ça de vendre son café. Et donc il fait une vente directe, on va dire. Au lieu de passer par les intermédiaires, il dit, ben voilà, moi j'ai mon café. Et donc il fait le café en direct et je faisais en réalité avec des grains devant les gens. Vous le torréfiez aussi ? Je torréfiais, oui. Pendant le spectacle. Il n'y a pas de temps à perdre. On torréfie, on fait le café et on fait le spectacle. C'est très bien. Alors évidemment, vous le jouez en Belgique et ça marche et on est content et c'est en français. Mais comme ce voyage a changé votre vie et aussi vous a permis d'apprendre l'espagnol, vous vous dites, tiens, et si j'allais le jouer également en espagnol au Pérou ? Ouais. C'est ça, exactement. Je me suis dit, autant aller jouer là-bas où j'ai été aspiré par le spectacle et le jouer aussi dans les plantations de café. Donc ça, c'était mon... C'est magnifique, ça. Mon idée de base, oui. Alors, on va repartir sur le mot inspiration. Qu'est-ce qui vous a inspiré, alors ? On a compris que vous aimiez le café, on a compris que le parfum transporte et donc évoque le voyage, tout simplement. Mais qu'est-ce qui, en particulier, vous a inspiré ce voyage ? Ce spectacle, pardon. Bah oui, c'est un voyage, réellement. Et en fait, moi, j'ai visité des plantations de café, j'ai rencontré des planteurs, enfin des gens qui travaillent, qui produisent le café. J'avais déjà été en Jamaïque avant. Et donc, chaque fois, j'étais ébloui et impressionné par ce travail. Et j'avais envie de raconter leur histoire, en fait. C'est un travail tellement dur, enfin je l'ai fait, donc j'ai senti cette dureté, ces efforts qu'il faut faire pour planter, pour cueillir et pour porter les sacs de 65 kilos de grains dans ce dénivelé incroyable et l'argent qu'ils reçoivent c'est rien du tout, quoi. Donc par rapport à tous ces efforts, les familles qui travaillent tous ensemble, ça m'a touché, donc j'ai voulu en parler dans un spectacle. Alors vous vous rendez compte du chemin, parce qu'il y a le voyage géographique et puis il y a un chemin incroyable qui se fait dans votre personnage à vous, le vrai Rudy Godin. Vous êtes maintenant complètement hispanophone, vous parlez espagnol, vous jouez en espagnol un spectacle que votre voyage vous a inspiré, vous êtes marié à une péruvienne. Dans le genre bouleversement, c'est pas mal. Oui, quand même. Mais enfin, il y a quand même quelques années aussi là, qui ont passé. Hein. Oui, bien sûr. Mais quand on pense que tout ça est parti d'une gifle un peu que vous avez prise, quand on vous a dit, tu sais, ton boulot, ben, t'en as plus. Mm-hmm. C'est quand même magnifique comme petit retour de, je sais pas, petit cadeau de la vie, quoi. C'est un rebondissement. C'est un fameux rebondissement. Et donc, vous jouez votre spectacle Le Voyage du Cahua à Cusco. Oui, en espagnol. Et c'est grâce à Karel, puisque c'est avec elle qu'on traduit le spectacle, mais pas seulement les mots, mais aussi l'idée, l'humour, parce que c'était pas évident, il y avait des choses dans l'histoire que les Péruviens n'allaient pas comprendre. Donc on a dû un petit peu adapter. On a beaucoup développé le côté Louis XIV, parce que ça, on savait qu'il connaissait. Et donc voilà, et on a rajouté des choses, on en a enlevé d'autres. Et puis on a fait une petite tournée là-bas. Carrément, une tournée. Oui, j'ai fait des affiches, j'ai imprimé des affiches, on a fait, voilà, c'était vraiment comme si on le faisait ici, quoi. Sauf que là, c'est plus à l'improviste. On n'a pas besoin de préparer ça pendant un an, une saison, on y va direct, quoi. 5 jours après, on peut jouer dans un endroit. Et d'ailleurs, vous jouez encore et toujours, et cet été, vous jouez encore la comédie. On va, parce qu'attention, vous êtes en train de nous cacher que vous êtes marié certainement une fois à Liège, mais vous êtes reparti pour le Pérou, et il y a eu un deuxième mariage là-bas. Ce sera pour la suite de Globe Crocker, mais petite pause, si vous voulez bien, en musique avec la Fiesta de la Cumbia. Chica como tú para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, la fiesta de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, la fiesta de la cumbia va a empezar. ¡Ajá! chica como tú para bailar la cumbia así así. Busco una chica como tú, la fiesta de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú para bailar la cumbia así así. Busco una chica como tú, la fiesta de la cumbia va a empezar. Chica como tú para bailar la cumbia así así. Busco una chica como tú, la fiesta de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú para bailar la cumbia así así. Busco una chica como tú, la fiesta de la cumbia va a empezar. Si quieres esta noche yo te llevaré a bailar, a bailar, a gozar, a gozar. Si quieres esta noche yo te llevaré. La fiesta de la cumbia, cumbia All Stars, c'était Tigres et Fuega. En 2014, on repart une dernière fois, encore un petit peu, s'il vous plaît, monsieur, le Pérou. La première, 11h midi. Globe Crocker. Avec Benjamin Leupart. Elle est fameuse, hein, cette histoire de voyageur qui change de vie complètement grâce et à cause du Pérou, qui trouve l'amour, l'inspiration et le succès dans une tournée de one-man show consacrée au Kawa, qui est une autre de vos passions, Rudy Godin. Vous vous êtes marié avec Karel, votre amoureuse, après moult péripéties, une fois à Liège et puis une fois au Pérou. Eh oui, retour aux sources. Et alors c'est marrant parce qu'on pensait que vous connaissiez le Pérou comme votre poche, pour l'avoir parcouru aussi bien sur les plages de Lima que sur le Machu Picchu, puis Cusco, etc. Mais maintenant ça va tout changer cette histoire de mariage, parce que vous retournez quasiment dans les mêmes endroits, mais ce coup-ci vous êtes marié. Oui, mais ça change beaucoup de choses. Bah, surtout le regard... par exemple la famille et puis aussi il y a des endroits qu'on n'avait jamais vraiment fait, qu'on n'avait pas approfondi en fait, et donc là on s'est permis de le faire et donc on a refait un trek évidemment, et oui, on a fait un trek au Choquequirao, qui est un endroit que personne ne connaît. C'est vraiment, il y a personne Je qui va confirme. Là-bas. Et d'ailleurs, ceux qui y vont, ils s'empressent de louer une mule, parce que c'est tellement dur. J'y ai niqué mes genoux, comme on dit, mais vraiment, c'était incroyable. Donc là, c'est une ascension de 2500 mètres, et c'est dans les roches, dans les cailloux, et on glisse. C'est marrant, parce qu'on n'imagine pas vraiment un Pérou aride, surtout quand on pense évidemment à la jungle, Machu Picchu, mais on parlait de ces géoglyphes qu'on voit du ciel et qui sont ces sculptures à base de pierres posées dans le désert. Il y a quand même donc un désert au Pérou. Ah oui, c'est très désertique. En fait, toute la partie côte, hein, on va dire, c'est désertique. Et puis, il y a aussi le début des Andes, c'est aussi assez... Et puis alors, après, c'est verdoyant, et puis de l'autre côté de la cordillère, évidemment, c'est luxuriant même, mais il y a ce côté désert. Et il y a même un endroit qu'on a visité avec Karel, justement, un endroit incroyable, dans le désert, tout près de Lima. À une certaine époque de l'année, il y a une humidité qui se dépose, parce qu'elle vient de la mer, et donc tout devient très vert, il y a des plantes grasses comme ça qui commencent à pousser, et ça ne dure qu'un mois ou deux, puis après ça devient tout sec. Et donc il faut aller visiter à ce moment-là. Vous y étiez ? Oui, on y était. Waouh ! On a eu cette chance. Et donc photos dans tous les sens ? Oui, on prend quelques photos, mais on ressent surtout toutes les émotions qu'on peut vivre. Parce que moi, je ne suis pas vraiment un grand photographe. Hein. Vous avez vu, je fais plutôt des diapositives. Donc, mais... Effectivement, les fameuses diapositives de votre premier voyage. Ça remonte maintenant, hein, c'était 7 ans avant, en bateau. Vous pourriez être guide pour le Pérou ? Mais je l'ai été. Ah. J'ai fait guide. Parce qu'en fait, au premier mariage à Liège, j'ai invité les amis et la famille à venir au Pérou, profiter du deuxième mariage et puis de deux semaines en plus pour faire un voyage. Et je leur ai dit, voilà, je serai votre guide pour ce voyage. Et c'est ce qu'on a fait. Alors ce qui est marrant, vous disiez, voyageur marié et voyageur pas marié, même si c'est la même amoureuse, ça change tout. Il y a par exemple cette fameuse semaine de fête que vous avez vécue dans les deux situations. C'était où ? Ça c'était à Ayacucho, et ça c'est vraiment un endroit incroyable au niveau, on va dire, catholique. Hein. Il y a beaucoup de fêtes catholiques là-bas, et cette fameuse fête de Pâques, en fait, hein, la Semana Santa, dure une semaine, et tout le monde s'y met. Tout le monde, et c'est une grande fête, il y a des tapis de fleurs partout, toutes les entreprises, les écoles, les associations font des tapis de fleurs qui sont tout de suite enlevés, parce qu'on marche dessus. Il y a des parades, enfin des cortèges, il y a évidemment la reconstitution de toutes les scènes de la vie du Christ, et puis alors il y a la fête le soir, et c'est vraiment... Et ça, vous l'avez vécu dans les deux configurations, c'est-à-dire une fois vous n'étiez pas encore dans la famille, et puis une fois vous êtes dans la famille, ça change quoi ? Ben, ça change beaucoup, hein, parce qu'en fait, au départ, j'étais un petit peu toléré, on va dire. J'étais, même au niveau de la maison, ben, j'étais accueilli, dans une chambre à part, on va dire. Et puis, on me parlait, hein, c'était pas le problème de communication, mais c'était pas la même chose. J'étais pas tout à fait intégré. Et là, maintenant, chaque fois que j'y retourne, on rigole ensemble, on vit des choses incroyables. Rudy Godin, vous êtes comédien, artiste, auteur d'un spectacle, vous êtes multi-instrumentiste, vous avez déjà, la semaine dernière et encore aujourd'hui, joué de la flûte, de l'ocarina, et vous êtes plutôt guitariste à la base. Vous auriez bien joué d'une guitare typiquement péruvienne, le charango, que vous n'avez pas, parce qu'elle est impossible à accorder. Oui. Mais vous vouliez nous parler de cet instrument qui a marqué votre voyage aussi, notamment par sa taille. Oui. Le charango, c'est une toute petite guitare. C'est pas vraiment aussi petit qu'un ukulélé, mais c'est petit. Par contre, son manche est de la taille d'une guitare normale. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les Espagnols, quand ils sont arrivés au Pérou, interdisaient aux gens de la montagne de jouer de la guitare. Et donc, eux, ils se sont dit, ok, on va en construire une petite et on va la cacher sous notre poncho. Comme quoi le Pérou peut cacher quelques surprises. Un tout petit bon plan pour terminer, un petit mot de la fin sur le Pérou, sur cette incroyable aventure entre vous et ce pays, vous et Karel, qui vous a occasionné un changement de vie. Ce serait quoi en quelques mots ? Quelques mots, c'est voyager, faites en sorte d'éveiller vos sens. Merci. Rudy Godin, cette fois, je vous dis un vrai merci au sens du terme et pas du remerciement qui vous a valu tous ces voyages, tous nos voeux de bonheur dans votre histoire qui vous lie maintenant au Pérou par les liens du mariage. Bonjour à Karel et bon vent à vous deux dans vos nouvelles aventures. Et merci à vous. Ah, Globecrocker, l'émission des voyageurs qui change de vie en chemin. On a de belles à vous raconter. On veut encore d'ailleurs en raconter. Nous sommes à la recherche de belles histoires comme celle-là. Si vous avez des envies de partager vos voyages et vos changements de vie, n'hésitez pas à nous contacter via le site de La Première. Dans un instant, parapluie ou ombrelle sur la Belgique, ce sera la météo suivie du forum du moment, c'est-à-dire le forum de midi. Belle journée sur La Première. À demain, que vous soyez ici ou ailleurs. Miss, je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps. J'ai sans s'oublier, sans s'oublier. Miss, miss, je t'ai dans la peau tout entière. Tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois la nanomiste, je me rapproche de la terre. Mourir c'est trop triste, c'est oublier tout entière. Je ne peux pas non, me passer de toi, me passer de toi. Tu ne peux pas non, me priver de toi, me priver de toi. Benjamin Lepart. La première. Le Brabant Wallon présente... C'est l'île aux enfants au domaine provincial des Lessines. On va s'éclater avec les clowns, découvrir les Cro-Magnons et cuisiner comme de vrais chefs. Il y aura des manèges, chantiers et plein d'autres activités. C'est à partir de 9h30 et on nous offre même le petit-déj. L'île aux enfants, c'est le 24 juillet. Info sur domaine-lessines.be. La météo. Bonne journée à tous. La situation se dégrade un peu partout et cet après-midi, ce sont des averses qui pourraient même localement, très localement, s'accompagner d'un coup de tonnerre que nous attendons. Des averses entrecoupées d'éclaircies. Côté température, 17 à 20 ou 21 degrés avec un vent qui reste modéré de secteur ouest. Demain, peu de changements, ça reste variable et frais. Averses espacées le matin, plus fréquentes l'après-midi, un peu comme aujourd'hui. Et puis pour jeudi, un petit peu moins d'averses, 15 à 20 degrés. On reparle d'un temps sec, ce sera vendredi avec des maxima, toujours un petit peu frais pour la saison, de 17 à 21 degrés. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Faites-vous plaisir.